Qu'on compte sur moi et pas que dans le pleur à mec. Je me contente de peu, mais ce que j'ai pas, je le ramène. Je fais pas de la rime compliquée ou des métaphores. Avenir étriqué, bosser, il faut que je m'y mette à force. Boum, la France bouge, je vais te marquer à vie comme une fausse couche. La pente douce, on la monte et pendant ce temps, l'horloge tourne. Y'a que ceux qui sont en ch'touille, qui se mangent des douilles ou croient en des belles paroles. Ça part en couille, personne se mouille et ça ne fait qu'élever le tarot. Y'a trop de magouilles et ils ont bien planqué le magot. On nous dépouille, voilà ce qui se cache derrière leur plante des magots. Je reste à ma place car en fait, je crois que j'y ai planté le drapeau. Mon aide n'y comptait pas trop si j'entends ni côté le trompe. Ils me font marrer à penser qu'ils peuvent nous mettre au pas. Et ça les arrangerait s'ils pouvaient nous mettre au pas. Mais trop tard, on a un pied dedans et il est bétonné. Les bobards de maintenant, t'inquiète, on les connaît. Leur super production et leur pub, ça laisse pantois. Mec, rends-toi compte de ça. Et si t'es pas à l'aise, pantois. Ouais, chante-moi, tu sais que tout ça me laisse sans voix. Ils font les fondations en béton et le reste en bois. Mais tout en reste en moi. Max que je m'échine à décrire. Je le crie avant d'être obsolète comme une machine à écrire. Ici, on bâtit pas grand-chose vu que c'est facile à détruire. Moi, quand je recherchais le bonheur, je pensais pas qu'il allait fuir. Et on me dit, vas-y mollo comme le whisky quand y'a pas de coca. La rue c'est une arène, t'as l'air mystique si t'as pas de coca. Bienvenue là où tu fais tout pour pas passer pour un toca. Là où tu joues au poker sans les jetons, sans les tocards. J'fais que t'as fait les morceaux, lourd à casser les dorsaux. Parce que j'ai constaté que ce monde est spé comme égorso. Moi j'veux pas que mes gosses sautent dans le vide et se fassent homso. Par le système et son vice qui veut pas qu'on vive à notre sauce. J'étais au débat, j'aimerais revenir où j'étais au départ. Faux débat, tout le monde se tait quand le trio les part. Y'a trop d'écart entre eux et nous, moi j'ai trop rodé le soir. J'ai vu des rodés soir, désolé de boire quand y'a plus trop d'espoir. T'es au débat, j'aimerais revenir où j'étais au départ. Faux débat, tout le monde se tait quand le trait haut les pas. Y'a trop d'écart entre eux et nous, manger trop rodé le soir. J'ai vu des rodés soir, désolé de boire quand y'a plus trop d'espoir. Ça fout un pied devant l'autre, enquête de l'eau. Faudrait sortir sa tête de l'eau. Papy, si t'as un bon côté, qu'est-ce qu'on s'empête de l'autre? Pour notre avenir, on s'inquiète, faut sortir en tête du lot. C'est au culot que ça marchera et au stylo qu'on grattera. Si je dis que je paiera pour du boulot, pas convaincu que ça passera. Et si tu tombes le cul d'air, pas qui donc te ramassera? Ce monde est rempli de rapaces de ras. Lâche deux, trois phases de grave, de spé avant que j'atteigne de gras. Mon revêt devienne le Graal. Bon là, faudrait que je me calme et que je remette les pieds sur terre. Les blessures tiennent encore en désaccord. Si les mauvaises nouvelles surprennent, j'accepte mon sort. Et je suis pas sûr que je puisse donner du rêve. Mon cœur bat fort qu'à la famille, moi je pourrais tuer pour elle. Je préfère endosser ça que les paroles de pute dans mon dos. Frérot, ça peut t'arriver souvent ceux qui disent amigo. Ça fait que chaque dé de chaque côté t'es pas noté. Dans le bas côté, tu finiras tout comme ces gens qui aiment failloter. Je voulais t'en mettre plein la vue, mais là ça devient grotesque. Dur de faire de l'ego trip quand t'es quelqu'un de modeste. J'ai de la famille et des amis, mais j'ai aucun modèle. Nous on peint nos peines comme des tableaux, on néglige aucun de nos thèmes. Ils disent qu'il faut pas qu'on sorte, faut qu'on dorme. On va finir hooligan un peu comme choc nos condors. Ouais, ça choque nos comportements. Pourtant, t'en redemandes, ça frappe fortement comme la drogue dans ton corps. Rien ne sert de courir comme dirait la fable. L'avenir, on le tire à la paille. Je m'immiscerai quand j'entirerai la faille. Un double meurtre aux prises vite comme dirait l'infâme. Nous, on suit le beat, mais ils voudraient nous retirer la flamme. Là, ça devient bestial. La France, une belle biatch. On bédave même plus en pleine rue, on t'espiave. C'est le festival et la PAC se prend pour le FBI. Eureka, Sokai, production, qu'est-ce qu'il y a? J'étais au débat, j'aimerais revenir où j'étais au départ. Faux débat, tout le monde se tait quand le trio les part. Y'a trop d'écart entre eux et nous, moi j'ai trop rodé le soir. J'ai vu des rodés soir, désolé de boire quand y'a plus trop d'espoir. T'es au débat, j'aimerais revenir où j'étais au départ. Faux débat, tout le monde se tait quand le trio les part. Y'a trop d'écart entre eux et nous, moi j'ai trop rodé le soir. J'ai vu des rodés soir, désolé de boire quand y'a plus trop d'espoir. J'étais au débat, j'aimerais revenir où j'étais au départ. Faux débat, tout le monde se tait quand le trio les part. Y'a trop d'écart entre eux et nous, moi j'ai trop rodé le soir. J'ai vu des rodés soir, désolé de boire quand y'a plus trop d'espoir. T'es au débat, j'aimerais revenir où j'étais au départ. Faux débat, tout le monde se tait quand le trait haut les pas. Y'a trop d'écart entre eux et nous, moi j'ai trop rodé le soir. J'ai vu des rodés soir, désolé de boire quand y'a plus trop d'espoir. Trop d'espoir.